Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet-Dupré 1861. Question 10. De la motion de la volonté, ou comment la volonté est mue? La volonté veut naturellement le bonheur. Sous ce rapport, elle est nécessité, mais elle ne veut pas nécessairement tel bien particulier. Elle n'est mue nécessairement ni par l'appétit sensitif, ni par Dieu. 1. La volonté se porte-t-elle naturellement vers quelque chose? La volonté tend naturellement vers le bien en général, comme chaque puissance tend vers son objet propre. La fin dernière est à la volonté ce que les premiers principes sont à l'intelligence, elle se fait accepter nécessairement. La volonté embrasse, de plus, tous les biens particuliers qui conviennent à la nature humaine, ainsi l'être, la vie et tous les autres attributs de notre existence, ce qui est propre à chaque faculté, la connaissance du vrai. Tout cela est compris dans son objet comme autant de biens particuliers. Elle se porte donc naturellement vers quelque chose. 2. La volonté est-elle mue nécessairement par son objet? Premièrement, la volonté, quant à l'exercice de son acte, n'est pas mue nécessairement, il est toujours en notre pouvoir de ne pas penser à un bien quel qu'il soit, et, par suite, de ne pas le vouloir actuellement. Deuxièmement, la volonté, quand elle veut quelque chose, est mue nécessairement par le bien universel, qui est la béatitude, car, le bien étant son objet, elle veut de nécessité ce qui est bon universellement et sous tous les rapports. Troisièmement, la volonté ne veut pas nécessairement les biens particuliers, elle les rejette ou les embrasse à son gré. Note. La fin dernière, qui est le bien parfait, meut nécessairement la volonté. Il en est de même des biens, qui, comme l'être, la vie et autres semblables, se rapportent tellement à la fin dernière que, sans eux, on ne pourrait l'atteindre. Mais les autres biens sans lesquels la fin dernière peut être atteinte, la volonté ne les veut pas nécessairement, en tant que puissance rationnelle, elle peut accomplir, par des vues différentes, des actes opposés les uns aux autres. Fin de la note. 3. La volonté est-elle mue nécessairement par l'appétit inférieur? Il est écrit, au-dessous de toi sera ton appétit, et tu le domineras. Genèse 4, 7. Donc la volonté humaine n'est pas nécessairement soumise à l'appétit inférieur. De deux choses l'une, ou bien la passion de l'appétit inférieur lie entièrement la raison, comme il arrive à ceux qui, dans la violence de la colère, de la concupiscence et de toute autre perturbation corporelle, deviennent fous ou furieux. La raison absente, il n'y a plus de volonté. Ou bien la raison n'est pas tellement absorbée par la passion, qu'elle ne jouisse encore d'une certaine liberté de jugement, dans ce cas, il reste quelque chose du volontaire, en tant que la raison demeure libre. La volonté, alors, n'est pas mue nécessairement par l'appétit inférieur, elle peut résister à la passion. Note. Entre l'état d'un homme vertueux chez lequel la partie sensitive est complètement soumise à la raison, et celui d'un autre homme en qui la raison est complètement absorbée par la passion, il est un état mitoyen dans lequel il reste encore à la raison, obscurci par les passions, une certaine mesure de liberté. Fin de la note. 4. La volonté est-elle mue nécessairement par Dieu, qui est son moteur extérieur? Ce n'est pas nécessairement que Dieu meut la volonté. Il a fait l'homme dès le commencement, a dit l'Esprit Saint, et il l'a laissé dans la main de son conseil. Ecclésiastique 15, 14. La providence divine, qui, selon la remarque de saint Denis, doit conserver la nature des êtres, et non l'altérer, c'est tirer des causes nécessaires des effets nécessaires, et des causes libres des effets contingents. Aussi Dieu a-t-il soin de mouvoir la volonté des hommes de telle façon que leurs actes soient contingents et libres, à l'exception de ceux qui se font sous l'impulsion de la nature. Note. La volonté divine fait plus que d'obtenir des êtres certains effets, elle les obtient suivant la manière qui convient à leur nature. Il lui répugnerait beaucoup plus de mouvoir nécessairement la volonté humaine contre la nature de cette faculté, que de la faire mouvoir librement. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.